بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم تفهم بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخذنا أمس الفصل في معنى الطاغوت في الشابيتر du Tarut ou Rousse Tarut. Même en Tarut, il y a une Loratan. Loratan, c'est le fait de dépasser. Non. Dépasser la limite. At-tajawuz. Adahwa. Non. Wastelahan, yani, ou plutôt Sharhan. Ce que j'ai retenu comme définition, c'est un nom qui englobe. Un nom d'espèce qui englobe toute personne qui dépasse la limite. نعم كما قال الإمام بكشا. ابن جرير وكذلك ابن تيمية اسم لكل ذي تجاوز على الله عز وجل أو لكل ذي طغيان إلى بدي اسم لكل ذي طغيان على الله سوى سلا بغض ابن جرير كما نوم دسباس يعني pour toute personne qui aura dépassé les limites كالله سبحانه وتعالى a limité et on peut dire aussi كذلك اسم لكل باطل c'est un nom qui englobe يعني tout باطل. On a pu évoquer aussi qu'avec même Bab al-Fa'ida, que Tarot tu peux utiliser pour le féminin comme le masculin et tout. Pluriel, duel. Tamahu awwala ma farad Allah subhanahu wa ta'ala ala ibn Adam. C'est quoi la première chose qu'on nous a imposée? De me croire au Tarot et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ada huwa. Kama qala huwa rahimahallahu ta'ala. Naam. Wa kathalika al-hadith. فليكن أول ما تدعوهم إليه يبي يجمع كذلك كما نقله الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية إلى بكيك العلماء sont tous unanimes كما قال هو رحمه الله قال باتفاق السلف que la première des choses dont on demande c'est que c'est d'appeler au tawhid. نعم j'avais oublié de lire ce nom-là. فقال رحمه الله تعالى قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد شهادة وأئمة السلف قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة. Les salaf sont tous unanimes que la première des choses qui est ordonnée au abd de faire c'est الشهادة, de la prononcer et avant de la prononcer de comprendre yani ce qu'il prononce. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كما نبي واحد. نعم. فهذا هو première obligation. C'est pour ça que رحمه الله تعالى لا يبكيها هنا. Parce que c'est une chose qui est متحتم, qui est prioritaire, qui est important, qui est لازم على الإنسان. Première des choses qu'il doit connaître. نعم. On s'est arrêté ici. La plupart des ce qu'on a pu évoquer c'était même باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى قال فأما صفات الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم فها هنا لا يفكي للصفة الكفر بالطاغوت كما يتأتى كيف يفعل كما نكفر بالطاغوت فقال أما صفات الكفر بالطاغوت لمن يهدو مكفر بالطاغوت قال رحمه الله تعالى فاسبر لفئ que tu m'écrois et que tu te désavoues de toute adoration qui est donnée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tatrukuha. Tu la délaisses. Combien de personnes ils connaissent que az-zina c'est haram, mentir c'est haram, voler c'est haram, lakin ils le font. Fa i'tiqadu shay c'est une chose. Wa tarkuha c'est une autre chose. Wa tarkuha c'est une autre chose. Naam. Qala wa tatrukuha kama qulna. Hada min tamam al-aqida. Comme on a pu voir, Al-Aqidah, si jamais elle est sahiha, elle donne naissance à des œuvres. Et cette œuvre-là doit être en conformité avec ce qu'il y a dans le cœur. Summa, cette Aqidah, elle peut être quoi ? Elle peut avoir un daf. Elle peut avoir un daf dans l'yaqin, comme on a pu évoquer. Certains, ils savent que ça, c'est haram, lakin, ils le font. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas al-yaqin ? Il a un yaqin, lakin, qui est da'if. Il a un yaqin, lakin, qui est da'if. Al-yaqin, il a des paliers. Comme on a dit, on a fait part des durus. Le yaqin de Abi Bakr radiyallahu anhu c'est pas comme le yaqin min ahadina la shak wa la raiba fi comme قال سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا فيا دي درجات يا دي درجات يا دي دغري دون اليقين فذلك ترى بعضهم ميم سي جامي ايزون يعني العلم بذلك لكن تراهم يقعون في المحرمات باسكو ايزون ضعف في اليقين ايزون فابلس دون لا سيرتيتود فذلك يقعون فيه فهذا تنبيه جيد تم يعتقد et كذلك يترك فسي ممبر et كذلك son cœur il délaisse cette chose là قال وتبغضها لا يكفي que يعتقد انها باطله ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم لا يبغض هذه الاشياء il faut que كذلك il a une hostilité il faut qu'il déteste ces choses là il faut qu'il les déteste ces choses là comme on a pu voir من تمام الولايه لله عز وجل بل اصل الولايه c'est que tu détestes ce qu'Allah سبحانه وتعالى déteste et que tu aimes ce qu'Allah سبحانه وتعالى aime et comme on a pu voir dans كلمه لا اله الا الله من شروطها المحبه شروطها المحبه محبه ما تدل عليه هذه الكلمه تمام ومحبه ce qui يعني se confirme à cette kalima et l'inverse يعني تبغض اهلها يعني ce qui délaisse التوحيد تمام et ceux qui font du shirk الى اخره فلا بد من البغض هذا لا بد من هذا من تمام الشروط التي سبقت يعني في كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال وتكفر أهلها كذلك لابد من d'un jugement on déteste ces personnes là et ces personnes là qui s'entêtent à faire ce naqid من نواقد الإسلام qui est d'adorer autre qu'Allah سبحانه وتعالى on doit juger de la mécréance كذلك فهذا c'est من باب الولاية والتصديق لما أخبر الله عز وجل فنحن نؤمن بكتاب الله عز وجل وبما في كتاب الله سبحانه وتعالى فتوت personne dont Allah عز وجل يعني il a jugé que ce sont des كفار تم بعد البيان فلابد كذلك نعتقد كفرهم on doit juger de la mécréance de ces personnes-là bien sûr après البيان إلى آخره comme on a pu voir ce genre de jugement-là c'est les ulama يتولون هذه الأشياء إلا في الأشياء التي هي معلوم من الدين بالضرورة وحتى comme on a pu le voir يعني toujours revenir à harim يعني ça fait pas de mal قال وتعاديهم ça rentre un peu dans le bourde l'hostilité لكن cette hostilité là comme on peut voir à la dawabit al khawarij ils ont pas comment s'appelle respecté cette norme là fil hadawa ils ont un bourde lil kuffar لكن ce bourde là il est pas madbout لان عندهم تجاوز في ذلك فيقتلون النفس التي حرم الله تمام que ceux qui viennent يعني en sécurité dans les pays de musulmans dans le Hakim il a donné sa parole qu'il pouvait venir en paix pour des accords de diplomatie la khirihi wa ya'ti mathalan wa yaqtulu hada la yajuz al musta'man celui dont on a promis inshallah on l'a garanti qu'il viendra et qu'il sera en paix que personne ne va lui faire du mal et ensuite on lui ôte sa vie hada samin al khiyana hada la yajuz wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yani man fa'ala dhalika la yajid ra'ihata al-janna yawm al-qiyamah il trouvera pas l'odeur du paradis yawm al-qiyamah تام كذلك المعاهد تام celui qui impacte entre deux pays il y a une trêve il y a un accord de paix qui a été signé entre deux pays تام entre un pays musulman et un pays de kafir fa dans cet accord de paix là que personne يعني fasse de mal à l'autre et celui là il vient il fait des il commet des meurtres يعني au sein de cette communauté là dans lequel il y a un acte de paix il y a un accord de paix fa hada kadhalika c'est min al-khiyana fa المعاهدة هذه لابد أن تكون مضبوطة c'est-à-dire c'est un on se désavoue de ces personnes-là par le cœur par la langue لكن اليد هذا ça revient à l'imam الإمام الأكبر celui qui annonce le jihad في سبيل الله تمام celui qui met les sentences من تحذير ومن حد celui qui fait ce genre de choses-là أما نحن علينا البيان on doit exposer les erreurs de ces personnes-là, juger de la mécréance de ces personnes-là, les détester, ça nous revient. Lakin, tout ce qui est niveau des sentences ou bien des djihads, d'annoncer le djihad, ça revient pas. Yani, al-wahid min hala, ça revient à l'imam, al-akbar, al-sultan, yani, soit un raïs, un président, bien un roi. C'est lui qui juge de cela. Fal-mu'ada hadihi, binisbati lana, tam, al-mahdouda. C'est pas comme avec l'imam al-akbar. نعم فذكر هنا أربعة أشياء وبدو من سانك نعم سانك شوز نعم اعتقاد بطلان هذه العبادة هذا يتعلق بيش بالقلب لقلب دوظهن كفر لقلب دوظهن تكفير ده هؤلاء استجيع اعتقاد البطلان que ces genres d'ibadah là sont bâtés là et qu'elles ne doivent pas être vouées pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est radi, ça c'est une autre chose. Yani. Qale wa tarkuha. Katharika tarkuha. Natruk ha'ula. C'est-à-dire qu'on les délaisse, ces personnes-là, qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nahjuruhum. Nahjur ha'ula. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. قال العلماء لم يكن معهم لا يأكلهم ولا يشاربهم ولا يمشي معهم وفي الحديث الآخر قال لا تأكل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي ne fréquente que les personnes qui sont mu'mines et à l'istiqama فالكافر ليس بمستقيم فهو ne fréquente pas ce genre de personnes là et تركها كذلك يستلزم من ذلك الهجرة يعني من باب أولى Et lorsqu'on dit on ne les fréquente pas, ça rentre dans le cas Al-Hijra, Fisabilillahi Azzawajal. Il y a ni de s'écarter de ces pays-là, dans lesquels on n'a pas la possibilité de mettre en application les rites de l'islam. Fahawana, Kazalika, Mintamam, Al-Butlan, l'irtiqad, Annaha, Tilkal Ibadah, Yabatila, c'est de s'écarter de ces personnes-là, il y a ni totalement. Et Al-Hijra, il faut savoir qu'elle a été même, il y a ni légiférée. Avant toute autre chose, yani parmi les arcanes de l'islam. Salisu Shay qui a été légiféré sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Hijra. Awalan, Al-Tuhid, Summa, Al-Salah, Summa Al-Hijra, Fisabilillahi Azza wa Jalla. Hada, c'est un tanbi que l'insan la yatamakkan min iqamat al-shara'i, c'est-à-dire faire accomplir les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Min salati wa zaka ila akhirihi, que si jamais il s'écarte, il y en a de ces pays-là. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah azzawajal, n'a pas légiféré les arcanes à l'islam, ou plutôt les a légiférés qu'après la hijra. Qu'après qu'il a trouvé un endroit où il est apaisé, où il est en paix, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. Qala wa tubghidha, il faut qu'adalika les détester. Wa tukaffir ahlaha, yani les personnes qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux qui sont adorés et qui agréent cela ceux qui sont adorés et qui agréent d'être adorés ces deux personnes là on doit juger de la mécréance mais celui qui est adoré lakin bil batil comme c'est le cas de Isa, de Uzair et de Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hada, on ne doit pas les juger de la mécréance parce qu'ils ne sont pas radis non إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. Vous et ce que vous adorez من دون الله عز وجل en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala حسب جهنم. يعني c'est حطب جهنم حسب معنى حطب. يعني seront le combustible de l'enfer. أنتم لها واردون et vous y rentrerez. قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها si jamais ces personnes qu'ils adorent en dehors d'Allah Azzawajal seraient des réelles divinités elles ne seraient pas rentrées en enfer وكل فيها خالدون et chacun d'entre eux l'adoré et celui qui adore seront dans l'enfer éternel قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم حسنى أولئك عنها مبعدون الكفار lorsqu'ils ont entendu cette ayah Lorsqu'ils ont entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter cette ayah, farihu bidalika. Ils ont cru trouver yani un khalal, un défaut dans le kitab. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala seront le combustible de l'enfer. Donc ils ont compris yani la umum al-ayah, la généralité de l'ayah. Ils ont dit, mais Isa il a adoré en dehors d'Allah azzawajal. Est-ce que yani Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, est en train de prétendre que Isa ira en enfer? Parce que Isa il a adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ensuite il a évoqué à la fin inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubahadun c'est comme un istithna, une exception excepté ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a promis leur a promis le jannah fahawala yani seront mubahadun yani seront écartés de l'enfer yani ce qui est voulu dans la ayah innakum ma ta'buduna min duni la et vous et les choses qui sont adorées et qu'ils agréent, yani qui approuvent cela, yani d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, wa takfir ahlaha et wa takfir ahlaha, c'est-à-dire ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou celles qui sont adorées, ou ceux qui sont adorés en dehors d'Allah azawajal, lakin qui agréent cela, fahaula nubriduhum wa nukaffiruhum wa natrukuhum ay nahjuruhum qala wa tu'adihim. Et comme on a pu voir, le mu'ada هذه على حسب, c'est ce qui nous incombe, c'est al-bayan, al-bayan, al-nasiha wa al-tahdhir, tamam. Wa amma idha kana al-jihad, ça c'est si jamais al-imam al-akbar il l'ordonne, si l'ordonne de faire jihad fi sabilillah, ça rentre dans al-mu'ada wa la budda min. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa amma ma'na al-iman billahi فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواريهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. نعم. فقال وأما معنى الإيمان بالله أي صفة الإيمان بالله إلى إيفوكي هو رحمه الله تعالى قال فأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وحده أي الإله المعبود بحق وحده الإله المعبود يعني بحق يفضل بارا بحق إذا سمعلوم يعني كما نبي بقى فسكي رجون كي سوان دغي أندور الله سبحانه وتعالى لكن بالباطل أما الله عز وجل لا دغي بالحق قل سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق أي ذلك بأن المعبود هو الحق يا الله سبحانه وتعالى قال فأن تعتقد que tu aies la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite d'être adoré وحده لا شريك له دون من سوى en dehors de tout autrui. C'est Allah عز وجل qui mérite d'être adoré parce que c'est lui le khaliq, c'est lui le raziq ila akhirih, c'est lui qui a l'asma al-husna wa sifat al-ula, c'est lui le muhsin, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui mérite yani d'être adoré subhanahu wa ta'ala. قال وتخلص جميع انواع العبادات كلها لله. Ça c'est une chose, yani avoir la conviction. Et ensuite, il y a avoir al-amal fi zalika, al-ikhlas. Al-awwal c'est amal al-qalb. An ta'taqid hadha amal al-qalb. Ta'taqid anna Allah azza wa jal yastahiq al-ibada. Si jamais on retrouve cela fi al-haq, yani haqiqatan fi al-qalb, falabuda min al-ikhlas, yani fi al-jawarih wa fi al-lisan. On retrouve l'ikhlas, la sincérité dans l'adoration, que ce soit par les langues ou bien par les membres. Dans toutes les ibadah, fi jami' al-ibadah, comme a dit subhanahu wa ta'ala, ala lillahi ad-din al-khalis. N'est-ce pas qu'appartient Allah azza wa jal la religion de sincérité, n'am, de l'ikhlas. Wa kadhalika wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Qala wa tanfiha 'an kulli ma'budin siwahu, hadha min bab al-lazim. Hadha min bab al-lazim, si jami' la conviction qu'Allah azza wa jal mérite l'adoration et qu'il adore wahdahu la sharika lahu, donc il doit rejeter toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tuhibbu ahla al-ikhlas. Hada kadhalika. Naam. C'est même tamam al-iman billahi azza wa jalla, que tu aimes ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont accompli à tawhid, comme on a pu le voir. Qala wa tuwalihim. Tu les aimes fillahi azza wa jalla. Et l'amour fillahi azza wa jalla s'incombe le fait de les secourir, le fait de faire nasiha, d'être proche de eux ila akhirih. Comme on a pu voir, inshallah, dans Ash-Shart al-Mahabbah. قال وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. كذلك, ça revient un peu parce qu'il est évoqué dans Sifat al-Kufr bi-Taghut, que tu détestes أهل الشرك وتعاديهم. أي تتبرأ منهم. نعم. فها هنا il a évoqué une partie de l'iman billah subhanahu wa ta'ala, يعني qui est l'iman bi al-uluhiyya. Parce qu'il a dit amma ma'na al-iman billah, faut savoir que l'iman billah c'est quatre choses. Là il a évoqué une chose. C'est-à-dire, il a évoqué les piliers de l'iman billah subhanahu wa ta'ala min haythu wash al-uluhiyya, par rapport au tawhid al-uluhiyya. Amma al-iman billahi azza wa jalla, ça englobe quelque chose comme l'a évoqué l'imam al-Usaymi rahimahullah ta'ala fi ghayri kitab. Il a évoqué que l'iman billah c'est l'iman bi wujudi, d'avoir une conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est présent. Al-iman bi rububiyyatihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actes et personne ne le ressemble dans ses actes. Al-iman bi uluhiyyatihi, que Allah azza wa jalla mérite l'adoration. Wa al-iman bi asma wa sifat. Hada huwa al-iman billah, c'est ces quatre choses là. Donc là il a évoqué Al-Iman billah bimana iman yani bi at-tawhid al-ibadah. Ça c'est le pilier de tawhid al-ibadah. Conviction d'âme et il faut qu'il y ait des œuvres et kadhalikan mahabba li haula. Na'am. فقال رحمه الله تعالى قال وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من راغب عنها فقال يعني هذه اسم إشارة وسيتجيز للقريب اسم إشارة للقريب بمعنى هذه revient ce qui vient d'évoquer ici صفة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تمام lorsqu'il dit هذه ce que je viens d'évoquer يعني ce paragraphe là يعني صفة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ملة إبراهيم تمام c'est la religion de Ibrahim عليه السلام والملة كالدين Al-Milla, hiya kad-din. Certains ulama ont dit qu'il y a une différence entre le Milla et le Din. Qalu, Al-Milla, hiya tutlaq ala al-adiyan, alati tu'mal, walati la tu'mal. Al-Milla, certains ont évoqué, c'est les religions. On l'utilise pour les religions qui sont abolies et celles qui ne sont pas abolies. Mathalan, tu dis à l'islam, c'est le Milla. Et tu dis, mathalan, le Din sur lequel était Ibrahim, c'est le Milla. Lakin c'est une milla qui est abolie, abrogée. Quand il y a Isa l'était à la milla. Lakin c'est une milla qui est quoi? Qui est abrogée. Fa al-milla, on peut l'utiliser ce terme-là pour les religions qui sont abrogées et celles qui ne sont pas abrogées. Qala wa hadi millatu Ibrahim. Ibrahim alayhi salatu wassalam, imam al-muwahhidin. Qala allati safiha nafsahu ما راغب عنها كما قال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نعم فراغبة أرغبة c'est un peu comme الرجاء c'est un peu comme رجاء لكن lorsque tu dis راغبة في avec le حرف الجر qui est في c'est un sens et lorsque tu dis راغبة عن c'est un autre sens راغبة في c'est à dire يعني c'est بمعنى الرجاء comme on a pu voir avec Ar-Raja, c'est un désir une chose et œuvrer en fonction de ces choses-là. Amma ar-Raghiba an, c'est bimahana l'aks. C'est se détourner. Fil hadith. Fama ar-Raghiba an sunnati. Et celui qui se détourne, yani, de ma sunna, qui la délaisse. Fahana, yani, allati safiha nafsahu amma ar-Raghiba anha, et celui qui le délaisse. Naam. La shakwa al-Raghiba fi hada min as-safa. As-Safa, كما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى dans le début de Surat al-Baqara, c'est يقول السفهاء par rapport à ce terme-là. Dans le début de Surat al-Baqara, il a dit قال رحمه الله تعالى قال السفهاء قال هم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها. Il dit As-Safa, c'est qui? C'est les personnes qui ne connaissent pas leur profit, les choses qui sont à leur avantage et qui sont profitables pour ces personnes-là. Et qui les délaissent ou qui les vendent. Qui les délaissent ou qui les vendent. La chaque fois, il va faire celui qui se détourne de Millat Ibrahim, comme a dit subhanahu wa ta'ala, faqad safiha nafsahu. Yani parce qu'il yajhal la maslaha qu'il est en train de délaisser. Parce que maslaha tawhid, c'est dukhul al-jannah. Maslaha tawhid, c'est dukhul al-jannah. Et c'est al-naja min iqab Allah subhanahu wa ta'ala, al-abadi. C'est le fait d'être épargné du châtiment de l'enfer, du châtiment éternel. La shak wa la raiba fi que celui qui délaisse yani ce sabab-là par lequel il se voit préservé du châtiment éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui ne connaît pas yani sa maslaha. Jahila maslahatahu. La shak wa la raiba fi. Ça c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa maslaha. Fadhalika qala subhanahu wa ta'ala illa man safiha nafsahu. Et ça c'est sans compter yani des profits qu'il va retrouver min ar-raha yani fi al-qalb ilakhirih wa fi al-ibada dans tawhid parce que at-tawhid il a un fadl wa tawhid il a des samara yani hajiba jiddan yani fi hayat al-insan. Là on parle yani vraiment de la khasara qui est shadida, qui est quoi? L'enfer éternel. Tam fa la shak wa raya fi anna man taraka at-tawhid wa taraka ad-din fa hadha faqad safiha nafsuhu kama qala subhanahu wa ta'ala. Na'am. قال وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم فهذه الآية في الحقيقة جمع الآن c'est pour ça que j'ai laissé. Si الآن on te demande c'est quoi la sifat du kufr بالطاغوت, on te demande c'est quoi البراء, tu lis cette آية là. Cette ayah-là, c'est la parfaite définition du désaveu fillah azza wa jalla. Et c'est la parfaite définition du kufr bi taghut. Qala wa hadhihi hiya al uswa, yani hadhihi al milla, la milla du fait de al iman billah wal kufr bi taghut. Qala wa hadhihi hiya al uswa, al uswa c'est l'exemple. Comme qala subhanahu wa ta'ala fi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad kanat lakum uswatun hasana, et un bon exemple, une qudwa, c'est-à-dire quelqu'un qu'on suit. Qala wa hadhihi al uswa yani millat ibrahim, hadhihi c'est bima'na ça revient à millat ibrahim. Qala wa hadhihi ça revient à millat ibrahim, et millat ibrahim ça revient à ce qu'il vient d'évoquer, sifat al-kufr bi taghut wa ma'na al-iman billah. Na'am qala wa hadhihi hiya al-uswa allati akhbara Allah ta'ala biha fi qawlihi qad kanat lakum, yani al-an akkada dhalik qad, yani ya'ti li tahqiq qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wa alladhina maha, vous avez certain yani un bon exemple à suivre à travers ibrahim alayhi salatu wassalam wa alladhina maha, et parmi les mu'minun. Qala itqalu liqawmihim, yani al-an alanan, parce que al-bara'a ça suffit pas, yani certains ils pensent que al-bara'a faqat, yani se désavouer c'est simplement yani par bil qalb faqat, yani que tu détestes yani ce que font les personnes là, yani labudda min al-i'lan, il faut qu'il informe yani de l'hostilité qu'il a envers ces personnes là, et kadha les cas du dégoût qu'il a envers ces personnes là, yani qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là c'est un tanbih qui a évoqué Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala fi sharh usul al-thalatha. Il a évoqué Hahonan dans son kitab, dans son charh, que la Buddha min dhalika, lorsque je pense qu'il parle du bara'a, il a évoqué que hada la Buddha yakuna alanan, c'est obligé que ce soit ouvertement, ça soit fait ouvertement. Wa min dhalika qul subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Hada kana fi Makkah. Ils étaient mustada'af, ils étaient yani affaiblis. Malgré cela, ils devaient yani afficher le dégoût ou l'hostilité envers Haoula. Envers Haoula, les mushrikoun. Même si jamais ils étaient mustada'af, yani qalil, ils étaient très peu et ils n'avaient pas de dawla de shouka. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'afficher ouvertement al-adawa li Haoula. Et comme on a pu évoquer, al-adawa, ça ne veut pas dire les insulter. C'est-à-dire que tu affiches ouvertement que toi tu es un musulman et que Haoula c'est des kuffars. Et que la voie dont ils ont choisi, c'est la voie de l'enfer. Et que nous, on se désavoue de ces personnes-là et on juge de ces personnes-là que ce sont des kuffars. Et on les déteste, fillah. On leur fait savoir que ce genre d'acte fait qu'on doit les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils agréent ou qu'ils ne l'agréent pas. Parce qu'il ne faut pas confondre yani, hostilité ou plutôt yani, bara'a avec insulte. Yani, hada, yani, c'est pas le matloub. C'est pas le matloub. Le matloub, c'est que tu affiches que la religion sur laquelle ils sont, c'est une religion yani, qui est fausse et qui mène à l'enfer. Qui mène à l'enfer. Et tu détestes yani, ces genres de personnes-là qui font ces genres de choses-là. Qala ith qalu li qawmihim fa idan qalu hada labbud an yakuna alanan, ouvertement. Hatta il y avait un bien à un des l'ikhwa, qu'en France, yani, c'est devenu une mode que les gens ne disent plus les koufars. Et si jamais tu dis koufars, yani, en gros, c'est mal vu. Donc on dit les yahoud, on dit al-nasara, on dit les koufars, kadalika. Certains disent non, faut pas dire, on ne doit pas dire koufars, parce qu'ils disent en gros, al-kafir, c'est celui qui ne croit pas en Allah, azawajal. Qui ne croit pas, comme ils disent, en Dieu, comme ils disent, yani, à la divinité, au créateur. Il dit, si nous on croit au Créateur, laquelle on ne croit pas à votre religion. Yani pour eux, ce n'est pas toute personne qui ne croit pas à l'islam qui est kafir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, nous on dit d'eux, ce sont des koufars. Le fait simplement de délaisser cette parole-là pour agréer les koufars, ah, ça montre qu'il faut plier les bagages. Que tu n'as plus rien à faire ici. Parce que cette chose-là, ça fait partie des piliers du tawhid. Al-bara'a. Al-Bara'a, ça fait partie des piliers du Tawhid. Il doit afficher ouvertement qu'il se désavoue de ces personnes-là. Qu'il les déteste, qu'il les aime pas, que ce ne sont pas leurs frères, et la akhiri. Naam. Et là, si jamais ce kafir-là, il est muharib, c'est quelqu'un qui milite contre l'islam et qui combat l'islam. Amma celui qui n'affiche pas une hadawa, une hostilité à l'islam, là, qui dit, moi, j'ai ma religion, et vous avez la vôtre, hawala, kadhalika, on les déteste fillah ya azawajal, on leur affiche ouvertement al-barda, wal-hada, wal-akhiri. Lakin, malgré cela, on doit, kadhalika, les appeler à l'islam, quand même. Et si jamais il n'y a pas de mal, kadhalika, faire du bien. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc Allah عز وجل a évoqué que ceux qui la yuharib, yani les musulmans, lakin qui sont dans leur religion, ils font pas de mal aux musulmans, ils font pas de tort aux musulmans, il y a pas de mal à ce qu'on fasse du bien envers ces personnes-là, afin de mettre en avant les bienfaits de l'islam, afin que ce soit inchallah un sabab qui rentre dans l'islam. من هذا الباب فالبراء هذه لابد من que ce soit avec un kafir qui est muharib ou bien un kafir qui n'est pas muharib, c'est à dire qu'on doit les détester et afficher ouvertement cette haine et ce dégoût sur par rapport au kufr sur lequel ils sont. قال إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم, et on se désavoue de vous, on n'est pas avec vous, on n'est pas semblable à vous. قال ومما تعبدون من دون الله كذلك il se désavoue de ces personnes-là et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et Azza wa Jal. C'est-à-dire il se désavoue de la ibada. ومما تعبدون اي من عبادتكم. Comme on a pu voir. Et si jamais cette personne-là elle est radi كذلك تتبرأ من, si la personne qui a adoré agrée cela et elle approuve cela, كذلك on se désavoue de lui. Mais ce qui est voulu ici, ومما تعبدون اي من عبادتكم من دون الله, on se désavoue de vous et de votre adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Qala wa kafarna bikum, kadhalika, jugement, troisième chose, ou plutôt deuxième chose. Kafarna bikum, on juge de vous que vous êtes mécréants. Kafarna bikum. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. Est-ce que c'est mu'aqqatan, temporairement? Qala hatta tu'minu billahi wahda. Yani cette adawa là, elle ne cessera d'être présente et elle ne sera retirée que lorsque vous aurez l'iman billah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Donc trois choses il a évoqué ici: al-bara'a minhum wa min ibadatihim wa takfir ha'ula wa kadhalika al-adawa. Et ça c'est ce qu'on a pu voir yani, au tout début du kitab, si je te rappelle, asluddin wa qa'idatuhu amran. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Ensuite il a évoqué le deuxième point, al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillah azza wa jal. Qala wa at-taghlid fi dhalika wa al-mu'adati fi dhalika wa at-takfir man fa'ala. Ça revient exactement un peu ce qu'il avait évoqué au début là. Qala rahimahullah ta'ala qala wa at-taghut 'am. Donc là aussi كذلك, il montre que le taghut c'est pas juste une chose. Qala wa at-taghut 'am. فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. والطغاوت كثيرة ورؤوسهم خمسة. قال رحمه الله قال طاغوت عام. الطاغوت c'est pas simplement une seule chose. يعني تنبيه par rapport au tafsir يعني que tu peux trouver dans certains des kutub. Ils vont dire الطاغوت c'est ساحر. الطاغوت c'est الشيطان كذا وكذا. قال c'est عام. Comme on a pu le voir. كل من تجاوز يعني حده. Toute personne qui a dépassé la limite. اسم جامع لكل ذي طغيان على الله سبحانه وتعالى. Ensuite l'évoqué قال فكل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بالعبادة. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah سبحانه وتعالى et qui agréent d'être adorés, من معبود أو متبوع أو مطاع. Il est jugé comme عابد. قال فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من المعبود il agrée d'être adoré, من متبوع il agrée d'être suivi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, أو مطاع il agrée d'être suivi en dehors d'Allah, d'être suivi en dehors du prophète عليه الصلاة والسلام, أو مطاع il agrée d'être qu'on lui obéit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال في غير طاعة الله ورسوله قال فهذا طاغوت. Donc là il a évoqué les aspects comme l'a évoqué l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. كل ما تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. الطاغوت ça rentre dans ces trois aspects là, ça sort pas de ces trois aspects là. Soit il aura une mujawaza fi al-ibada, soit il aura un ghulu yani fi al-mutaba'a, ou soit il aura un ghulu fi al-ta'a. Ça sort pas de ces trois choses là. Après dans chacune de ces trois aspects, il y a plusieurs des catégories au niveau du taghut. Naam. Et il va évoquer, inshallah, tabarak wa ta'ala, les ru'us. Qala wa at-taghawit kathiratun. Ils sont nombreux. Qala wa ru'usuhum khamsa. Naam.